Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter une des plus grandes œuvres par le biais de laquelle tu puisses te rapprocher d'Allah Azza wa Jal est de faire preuve d'humilité, de modestie et de rabaissement, d'honorabilité et de bienfaisance envers tes parents. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Le bon comportement et l'obéissance due aux parents sont une obéissance envers Allah Azza wa Jalla. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Nul n'est désobéissant envers ses parents si ce n'est un tyran de qui Allah avait su son absolutisme. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullah ta'ala. Quand bien même ton père ou ta mère serait mécréant, il ne t'est pas permis de l'offenser. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj au Yémen. Elle t'a nourri de son sein, et elle te lavait de toute saleté, et elle veillait pour toi la nuit, et elle s'est fatiguée et ressentait de la peine pour toi, et elle se faisait du souci pour toi et pour ton bien-être, puis voilà que tu t'élèves face à elle, et que tu dénigres toute cette bienfaisance. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Malheureux et misérable sera donc celui qui aura vécu assez longtemps avec son père et sa mère, ou l'un d'entre eux, et à qui Allah Azza wa Jal ne pardonnera pas ses péchés, ni n'entrera après cela au paradis pour avoir manqué d'être bon et serviable avec eux. Sermon numéro 24, Birrul Walidain, l'obéissance et la bienfaisance envers les parents. Que l'homme craigne donc Allah dans sa propre personne et qu'il sache quoi avancer avec ses parents comme bien et serviabilité. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes ainsi que contre nos mauvaises actions. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. « Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun » Ô vous qui croyez, craignez Allah tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé dans ce lettre Adam, et qui à partir de celui-ci a créé son épouse Hawa, Ève, puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de parenté, certes Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, le plus véridique des récits est certes celui d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée, et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah Azza wa Jalla a dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance, ni non plus qu'ils me nourrissent, car c'est certes Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, le robuste. Notre Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, a dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé aucun messager avant toi à qui nous n'ayons révélé nulle divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. L'adoration d'Allah Azza wa Jalla, c'est pour cette raison que les serviteurs, les êtres humains et les djinns, des créatures invisibles, ont été créés. Et c'est en cela que réside le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre saint, le Qur'an, en y ayant joint le fait de l'unifier dans son accomplissement. Comme dans sa parole: وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِي وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Et adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, et faites preuve de bienfaisance envers vos parents, ainsi qu'avec les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le compagnon, le voyageur et les esclaves que vous possédez, car Allah n'aime certainement pas la personne hautaine et arrogante. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonna. Et il a annexé à son droit qu'il a envers les gens celui des parents que ces derniers ont envers leurs enfants. Mieux encore, il a ordonné aux gens de leur donner pleinement leurs droits. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Si l'un d'eux ou tous deux venaient à atteindre l'âge de vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi. Et Allah a également commandé d'agir avec bonté avec les pères et mères. Il a donc ordonné aux gens de faire preuve de bienfaisance envers les parents, et aussi de leur donner leurs droits. Donc quiconque délaissera l'un de ces commandements ne cessera d'être désobéissant vis-à-vis du Seigneur des mondes. Ô vous les gens, certes l'obéissance et la bienfaisance envers les parents est une affaire des plus importantes, à laquelle enjoignit Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. Il dit Azza wa Jalla: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Et nous avons enjoint à l'homme d'être bon avec ses parents. Il s'agit là d'une exhortation venant d'Allah, qui t'est destinée au toi le serviteur. Accepte donc cette recommandation qui provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car Allah ne t'a commandé que de choses qui vont dans ton intérêt et qui sont un bien pour toi. Allah Azza wa Jalla a dit: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Et qu'est-ce qui explique cette recommandation? Et pour quelle raison a-t-elle été faite? Allah subhanahu wa ta'ala dit ainsi: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Et nous avons enjoint à l'homme d'agir avec bonté envers ses parents. Sa mère l'a péniblement porté dans son ventre et en a péniblement accouché. Et sa gestation et son sevrage durent 30 mois. Puis quand il atteint les limites de ses capacités physiques, la quarantaine d'années, il dit « Ô Seigneur, inspire-moi afin que je sois reconnaissant envers toi pour tous les bienfaits avec lesquels tu m'as comblé, ainsi que mes parents, et pour que j'accomplisse de bonnes œuvres que tu agrées. » Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi exposé que cette recommandation qu'il a faite ne concerne que certaines gratifications des parents et non leur totalité. Et il a été rapporté d'après Ibn Umar radiallahu anhu qu'un homme faisait le tawaf en portant sa mère sur son dos, c'est-à-dire le fait de tourner autour de la Kaaba. Ce dernier trouva Ibn Umar radiallahu anhu et lui dit: ai-je été suffisamment reconnaissant envers ma mère à travers cet acte? Il répondit: non, même pas l'équivalent d'un soupir. Ainsi, le tawaf, en portant sa mère sur son dos, ne saurait valoir un simple soupir. Néanmoins, il se pourrait qu'Allah mette la bénédiction dans de simples actes de bienfaisance envers tes parents. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: un fils ne saurait être reconnaissant envers son père, à moins qu'il le trouverait esclave, puis qu'il l'achèterait pour ensuite l'affranchir. En vérité, les droits des parents sur leurs enfants sont des plus importants. Et tout le monde est concerné. Et Allah avait commandé les Banu Israël, les gens du livre, à propos de cette affaire et avait pris leur engagement à ce sujet. Car subvenir aux besoins des parents, qu'ils soient alimentaires ou vestimentaires, ou leur faire un quelconque don, est en réalité une preuve de bienfaisance et de bonté qui englobe de nombreux biens, tout comme s'il s'agirait de les prémunir de ce qui pourrait leur être préjudiciable, de même que de leur prodiguer des conseils et des recommandations profitables, ou de leur être serviables. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et abaisse pour eux l'aile de l'humilité, par bonté, et dit: ô Seigneur, fais-leur à tous les deux miséricorde pour m'avoir élevé et éduqué tout petit. Certes, celui qui désobéit à l'un de ses parents n'est pas reconnaissant du bienfait dont il a été sujet, et il ne leur rend aucunement grâce pour toute cette responsabilité qu'ils ont endossée, et pour toute cette attention qu'ils lui ont portée, et toute cette patience dont ils ont fait preuve, et cette éducation qu'ils lui ont donnée, et toutes ces peines qu'ils ont eues, et les efforts qu'ils ont dépensés, de même que toutes ces nourritures qu'ils lui ont fournies. Il a dénigré et renié toute cette bienfaisance. Et il ne remercie pas Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Il ne lui est ainsi pas accordé la réussite de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les personnes qui méritent le plus d'être remerciées, il y a les parents. Allah Azza wa Jalla a dit: Anishkurli wa li walidayka ilayya al-masir. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, c'est vers moi qu'est la destination finale. Parmi les droits d'Allah Azza wa Jalla, il y a les droits qu'ont les parents sur leurs enfants. Et cela est aussi une des plus grandes œuvres qui permet de se rapprocher d'Allah, qui prévaut et qui est plus obligatoire que le djihad dans le sentier d'Allah et de combattre les mécréants. Ainsi, il a été établi dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, je suis venu à toi pour te prêter allégeance en accomplissant la hijra, l'exode vers une terre d'islam, et le jihad fi sabilillah, c'est-à-dire dans le sentier d'Allah, recherchant en cela sa récompense. Il dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam: tes parents sont-ils encore vivants? L'homme dit: oui, tous les deux. Il dit: alors ton djihad consiste à rester avec eux et les assister. Et dans une autre version, retourne vers eux et tiens leur bonne compagnie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui recommanda ainsi de retourner vers ses parents et d'être bienveillant avec eux, car cela était meilleur pour lui dans son cas et plus profitable que de combattre dans le sentier d'Allah. Certaines personnes, parmi la masse des gens, ne reconnaissent pas ce bienfait. Il en est ainsi, ils ne reconnaissent pas ce bien, au point où certains d'entre eux vivent aux côtés de leur mère et ne lui donnent aucune importance, ni ne lui témoignent de la gratitude, allant même parfois à s'élever face à elle orgueilleusement et à faire preuve d'insolence avec elle. Elle, cette femme âgée, est faible, parfaitement par Allah, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela fut rapporté dans le récit d'Abu Malik radiallahu anhu, sera écarté quiconque aura vécu assez longtemps avec ses deux parents ou l'un d'entre eux et qu'Allah l'éloignera. Il aura vécu assez longtemps avec ses parents jusqu'à ce qu'ils vieillissent, puis il entrera en enfer après cela pour ne pas avoir été bienfaisant avec eux. Allah l'éloignera et l'anéantira. Subhanallah, quelle terrible invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi prononcé à l'encontre de ce genre de personnes, en demandant qu'ils soient écartés et éloignés de toute miséricorde dans ce bas monde, ainsi que le jour du jugement dernier. Et il invoqua sur lui l'anéantissement, car il aura vécu assez longtemps avec ses parents, jusqu'à ce que ces derniers, ou l'un d'entre eux, atteignent l'âge de vieillesse, mais n'en aura pas ainsi profité, pour être bon et bienfaisant avec eux. Il aura ainsi mérité d'entrer en enfer. Il entrera en enfer après qu'Allah l'aura honoré en vivant suffisamment assez longtemps pour être bienfaisant envers ses deux parents, ou l'un d'entre eux. Et n'entrera pas au paradis quelqu'un qui aura coupé le lien de parenté ou ne l'entretenait pas. Et le lien familial le plus important qu'il ne faut surtout pas couper est celui qui concerne les droits des parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en effet un jour monté sur son minbar, la chaire sur laquelle il donnait ses sermons, et avait dit en montant sur les marches « Amin, Amin, Amin ». Il dit ensuite « L'ange Jibril, Gabriel, est venu à moi et m'a dit que soit écarté quiconque aura vécu assez longtemps avec ses deux parents ou l'un d'entre eux et qui ne lui sera pas pardonné ses péchés ». Je dis alors « Amin ». Puis il dit « Que soit écarté quiconque aura atteint le mois de Ramadan et qui ne lui sera pas pardonné ses péchés ». Je dis « Amin ». Il dit ensuite « Que soit écarté quiconque en présence de qui tu seras évoqué et qui ne lui sera pas pardonné ses péchés ». Je dis ainsi « Amin ». Loin. Ou plutôt, malheureux et misérable sera donc celui qui aura vécu assez longtemps avec son père et sa mère, ou l'un d'entre eux, et à qui Allah Azza wa Jalla ne pardonnera pas ses péchés, ni n'entrera après cela au paradis pour avoir manqué d'être bon et serviable avec eux. Donc quelle terrible calamité que la désobéissance des pères et mères. Et Yahya, sallallahu alayhi wa sallam, Jean, son seigneur, lui dit ainsi, Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. Allah dit, ô Yahya, prends le livre et accroche-toi-y fermement, et nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté, et c'était quelqu'un de pieux, et il était dévoué envers ses parents, et il n'était ni tyrannique ni désobéissant. Tu constates donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi exposé le lien qu'il y a entre la désobéissance des parents et la tyrannie. Walam yakun jabbaran 'asiyya, et il n'était ni tyrannique ni désobéissant. Nul n'est désobéissant envers ses parents si ce n'est un tyran de qui Allah avait su son absolutisme. Il l'éprouva ainsi à travers la désobéissance de ses parents. Et il en était de même pour Isa alayhi salam. Jésus, Allah azza wa jalla, a dit « Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah wa zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidayya » Isa dit, je suis certes le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné comme prophète. Et il m'a rendu béni où que je sois. Et il m'a commandé d'accomplir la salah, la prière, et la zakah, l'aumône obligatoire, tant que je vivrai. Et il m'a rendu bon et obéissant envers ma mère Mariam, Marie. Et il n'a pas fait de moi un tyran misérable. Elle t'a nourri de son sein. Et elle te lavait de toute saleté. Et elle veillait pour toi la nuit. Et elle s'est fatiguée et ressentait de la peine pour toi. Et elle se faisait du souci pour toi et pour ton bien-être. Puis voilà que tu t'élèves face à elle. Et que tu dénigres toute cette bienfaisance. le bon comportement et l'obéissance due aux parents sont une obéissance envers Allah Azza wa Jalla. Et cela est une cause de sortie des problèmes et des calamités. Il a été en effet rapporté dans les deux recueils de récits authentiques, d'après le récit d'Ibn Omar radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour, trois personnes eurent un jour envie de passer la nuit dans une grotte. Mais après qu'il y soit rentré, un rocher s'effondra de la montagne et obstrua l'entrée de la grotte. L'un d'eux dit alors, Allah ne nous secourra qu'à condition de l'invoquer par l'intermédiaire de notre plus sincère action pieuse. L'un d'eux dit alors, ô Seigneur, j'avais des parents qui étaient âgés et je ne laissais personne boire le lait avant eux après le repas du soir. Mais un jour, alors que j'étais sorti chercher du bois dans un endroit éloigné, j'ai tardé à rentrer à la maison. Et lorsque je suis rentré, je les ai trouvés tous les deux endormis. J'ai ainsi détesté les réveiller, et aussi que quelqu'un d'autre de la famille boive avant eux. Je suis alors resté à leur chevet, le verre de lait dans ma main, à attendre qu'ils se réveillent jusqu'au lever du jour, alors que mes enfants pleuraient de soif à mes pieds. Ô Seigneur, si tu sais que j'ai accompli cet acte sincèrement pour ta face, délivre-nous de cette situation. Le rocher s'écarta alors un peu, puis les deux autres personnes en firent de même, chacune à leur tour, invoquant une action qu'elles avaient accompli le plus sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette œuvre est donc des plus grandioses, à savoir la bienfaisance envers les pères et les mères. Elle permet ainsi de se sortir des situations les plus difficiles, et il a authentiquement été établi que Ouays al-Qarani radiallahu anhu, qui venait de la région de Mourad au Yémen, était un homme qui fut atteint de la maladie de la lèpre puis qui l'en guérit, et qui était quelqu'un de bienfaisant envers sa mère. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commanda à Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu de demander à ce dernier d'invoquer Allah afin qu'il lui pardonne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'homme dit ainsi, le plus vénérable des tabi'oun viendra un jour vers vous, c'est-à-dire la génération d'hommes qui succédèrent aux compagnons. Ouays al-Qarani, provenant de la région de Mourad puis de Qarn, qui aura presque guéri de la lèpre. Il aura une mère envers qui il sera obéissant et serviable. Si tu venais à le rencontrer, ô Omar, demande-lui d'invoquer Allah afin qu'il te pardonne. Omar, l'émir des croyants, le calife du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui de qui s'écarta le shaitan, qui sollicite le plus vénérable des tabi'oun de par ses deux nobles vertus, à savoir le fait qu'il ait patienté après qu'Allah l'ait éprouvé par la maladie de la lèpre et qu'il était bienfaisant vers sa mère. Et du même genre, Haritha ibn Nu'man qui lisait le Coran au paradis. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'entendit psalmodier le Coran au paradis alors qu'il était toujours vivant dans ce bas monde. Il dit ainsi sallallahu alayhi wa sallam à son sujet, ce bienfaisant, et il était bienfaisant vers sa mère. Haritha était donc plein de sollicitude à l'égard de sa mère. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'entendit réciter le Coran au paradis de son vivant, dû à sa bonté envers ses parents. La bienfaisance envers les parents fait partie de la guidée des prophètes. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alla visiter la tombe de sa mère et pleura et fit pleurer. Les gens dirent ainsi, ô messager d'Allah, que t'arrive-t-il ? Il répondit, j'ai demandé à mon Seigneur qu'il m'autorise d'implorer le pardon en faveur de ma mère, ce qu'il me refusa. Je lui ai alors demandé de m'autoriser à visiter sa tombe, ce qu'il m'accorda. Visitez donc les tombes, car elles vous font rappeler au-delà. Il alla ainsi visiter la tombe de sa mère, et il pleura à sa tombe par peine pour elle, car cette dernière mourut dans la mécréance. Donc, quand bien même ton père ou ta mère serait mécréant, il ne t'est pas permis de l'offenser, car le jugement religieusement légiféré dans cette affaire est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Et si tous les deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Néanmoins, comporte-toi avec eux dans cette vie présente de façon convenable. Et Allah fit les éloges de son prophète Ibrahim, sallallahu alayhi wa sallam, Abraham, lorsqu'il s'adressa à son père Hazar, avec ses admirables paroles et ses propos pleins de douceur et de mansuétude, alors que ce dernier était mécréant, c'est-à-dire son père, Allah subhanahu wa ta'ala a en effet dit: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِي إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِيكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِيكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِي لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِي إِنِّي أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Lorsqu'il dit à son père, c'est-à-dire Ibrahim, oh mon cher père, pourquoi adores-tu ceux qui n'entendent pas ni ne voient et qui ne te profitent en rien, c'est-à-dire les statues? Oh mon cher père, il m'est certes venu un savoir qui ne t'est pas parvenu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Oh mon père, n'adore pas le shaitan, car le diable est assurément désobéissant envers le tout miséricordieux. Oh mon cher père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Son père lui rétorqua: dédaignerais-tu mes divinités, ô Ibrahim? Si tu ne cesses point, je te lapiderai certainement. Éloigne-toi donc de moi pour longtemps. Ibrahim lui dit alors: paix à toi, j'implorerai mon Seigneur en ta faveur, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Et son Seigneur le défendit par la suite d'implorer le pardon en faveur de son père qui était mécréant. Et si tel n'était pas le cas, il aurait assurément continué à demander que son père soit pardonné. Allah Azza wa Jalla a dit: وَمَا كَانَ إِسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. Et la demande de pardon d'Ibrahim en faveur de son père n'était due qu'à une promesse qu'il lui avait faite, mais dès qu'il lui a été clairement apparu qu'il était un ennemi d'Allah, il se désavoua de lui. Ibrahim était pieux et plein de sollicitude. Et si tu veux vraiment connaître la compassion et la miséricorde qu'a un parent pour son enfant, médite sur ce qui est arrivé à Youssouf, alayhi salam, le prophète Joseph. La peine de son père Jacob s'était en effet endurcie de ce qui était arrivé à son fils, au point où ses autres fils lui dirent dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُوا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَذَرًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Il dit: par Allah, tu ne cesseras décidément jamais d'évoquer Youssef jusqu'à ce que tu t'épuises ou que ne t'atteigne la mort. Et Yaqub dit alors: je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. La tristesse du prophète d'Allah, Yaqub, ne cessa ainsi d'augmenter pour son fils Youssef. Et Youssef était un fils des plus obéissants envers ses parents. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لمن يشاء. Et il éleva ses parents sur le trône, et tous se prosternaient devant eux, et il dit alors: ô mon cher père, voilà l'interprétation de mon rêve que j'avais jadis fait. Allah l'a ainsi réalisé, et il m'a certainement fait grâce quand il m'a fait sortir de prison, puis qu'il vous a fait venir des campagnes désertiques, après que le diable ait semé la discorde entre moi et mes frères. Mon Seigneur est certes bienveillant envers qui il veut, c'est lui le savant de toutes choses, le sage. Donc après tous ces malheurs, et face à tout ce qu'il avait subi de la part de ses frères, qui voulurent le tuer, il répondit malgré tout à cela avec de la bonté et du pardon, tout en ne remettant la faute exclusivement qu'à Shaitan. Min ba'di an nazara ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati, après que le diable ait semé la discorde entre moi et mes frères. Ruse, manigance, jalousie de la part de ses frères envers lui, c'est-à-dire le prophète Yusuf alayhi salam. Et après tout cela, il y répondit avec de la bonté, par respect respect et en signe d'honorabilité envers ses parents, car la bonne fin est réservée aux gens pieux. Allah honora ainsi Yusuf sallallahu alayhi wa sallam et il le rendit puissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: ne vous informerai-je pas du plus grand des péchés? Les compagnons répondirent: bien sûr que si. Il dit alors: le shirk, le polythéisme et la désobéissance aux parents. Puis il s'asseyait alors qu'il était adossé et il dit: de même que le mensonge et le faux témoignage. Il ne cessa après cela de les répéter jusqu'à ce que nous disions: si seulement il s'était tu. Ils dirent ainsi: si seulement il s'était tu, alors qu'il répétait ces paroles, exposant ainsi l'importance des droits qu'ont le père et la mère envers leurs parents, en exposant également l'état dans lequel se trouvent les gens concernant leurs pratiques courantes du mensonge et du faux témoignage. Que l'homme craigne donc Allah dans sa propre personne et qu'il sache quoi avancer avec ses parents comme bien et serviabilité. Car par Allah aura certainement bien agi pour sa personne celui qui aura agi convenablement avec ses parents. Et des gens ont certes connu et qui ont témoigné de cela de leurs propres yeux certaines personnes qui étaient obéissants avec leurs parents, puis à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorda des enfants à leur tour bienfaisants avec eux. Et l'inverse de cela est également vrai, car la récompense est à l'image de l'action. Et certains écrivains ont évoqué à ce sujet l'histoire de quelqu'un qui frappait son père jusqu'à le traîner à la porte de sa maison, puis à qui Allah Azza wa Jal fit don d'un fils désobéissant, très difficile et hargneux. Ce dernier le battait et l'humiliait, allant même jusqu'à le traîner en dehors de leur maison, jusqu'à dans la rue. L'homme dit alors à son fils: « Oh mon fils, je traînais mon père que jusqu'à la porte de la maison. » Puis son fils lui rétorqua alors: « C'est là ta récompense à laquelle j'y ai ajouté un surplus. » La récompense est ainsi à l'image de l'action. Crains donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ta propre personne et crains Allah en te rappelant ta situation dans l'au-delà, alors que tu te présenteras à Allah en ayant dénigré ce bienfait parmi ses grands bienfaits par lesquels il t'avait comblé en t'ayant permis de vivre assez longtemps avec ton père et ta mère ou l'un d'entre eux afin de les servir. Alhamdulillah, حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah, nombreuses, bonnes et bénies. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ceci étant dit. Et dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, dans le récit d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné au sujet de l'œuvre la plus aimée auprès d'Allah azza wa jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: la prière à son heure. Il lui fut dit ensuite: et après? Il dit: l'obéissance et la bienfaisance envers les parents. Il lui fut dit: et après? Il répondit: la guerre sainte dans le sentier d'Allah. Ainsi, l'obéissance et la bienfaisance envers les parents est plus aimée que la guerre sainte dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Certes, une des plus grandes œuvres par le biais de laquelle tu puisses te rapprocher d'Allah Azza wa Jal est de faire preuve d'humilité, de modestie et de rabaissement, d'honorabilité et de bienfaisance envers tes parents. Car Allah Azza wa Jal a directement joint le droit des parents au sien. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet dit: wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil janbi wa ibn as sabil wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, et faites preuve de bienfaisance envers vos parents ainsi qu'avec les proches, les orphelins, les pauvre, le proche voisin, le voisin lointain, le compagnon, le voyageur et les esclaves que vous possédez. Car Allah n'aime certainement pas la personne hautaine et arrogante. Et un homme dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quelle est la personne qui est le plus en droit qu'on lui tienne une bonne compagnie? Il répondit: ta mère. Puis il lui dit ensuite: puis qui? Il répondit: ta mère. Puis il lui dit ensuite: puis qui? Il lui répondit: ta mère. Et il lui dit ensuite: puis qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ton père. Donc les parents sont les gens les plus en droit qu'on leur tienne une bonne compagnie et que l'on soit bienveillant envers eux. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait d'exposer de façon manifeste et de rappeler aux gens les droits des parents, quand bien même ces derniers étaient mécréants. Asma bint Abi Bakr radiyallahu anhuma dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ma mère désire me rencontrer, dois-je entretenir le lien de parenté avec elle? Il lui dit ainsi: entretiens ton lien de parenté avec ta mère, alors que celle-ci était une mécréante. Donc entretiens le lien de parenté avec ta mère, car il se pourrait que cet entretien, de même que ta bienfaisance à son égard, te fasse gagner les honneurs d'Allah Azza wa Jalla. Et l'entretien des liens de parenté, dont le plus important est celui d'avec les parents, est une cause de l'allongement de la durée de vie. Il a en effet été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit d'Anas ibn Malik radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui souhaite que lui soit augmenté grandement sa subsistance et allongé sa durée de vie, qu'il entretienne donc ses liens de parenté. Connaissez-vous un lien de parenté plus proche que celui d'avec le père et la mère? Il n'existe pas de lien de parenté plus proche que celui d'avec les parents. Le lien de parenté est accroché au trône et dit à Allah Azza wa Jalla: voici le rang de celui qui recherche ta protection contre le fait de rompre le lien familial. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Allah a dit au lien de parenté: n'agrées-tu pas qu'il soit fait miséricorde à celui qui t'entretient et qu'en soit privé celui qui te rompt? Et celui qui mériterait le plus que le lien soit rompu avec lui, sauf si Allah le lui pardonne, est celui qui désobéit à ses parents. Et il a certes été établi d'après Aïcha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui sa part de bonté et d'indulgence a été donnée a certes reçu une grande part de bien de ce bas monde et dans l'au-delà. Et l'entretien du lien de parenté, le bon comportement et la bonne conduite avec le voisinage font prolonger la durée de vie et peuplent les demeures. Et le plus important lien de parenté est celui d'avec les parents, et le fait d'être bienveillant avec son père et sa mère, chose qu'Allah Azza wa Jalla a commandé, fait partie de la guidée des envoyés, les prophètes, desquels Allah a vanté les mérites à ce propos. Donc ne sous-estime aucun acte de bienveillance, quand bien même il ne s'agirait que d'un simple sourire lorsque tu fais face à ton frère. Que dire alors de l'obéissance à ses parents, qui a été annexée au tawhid d'Allah Azza wa Jalla, l'ordre de l'unifier dans son adoration? Soyez donc assidus, ô serviteurs d'Allah, concernant l'obéissance et la bienfaisance envers les parents, car nous vivons dans une époque où l'arrogance, la fierté et l'orgueil se sont répandus chez les gens face aux parents, et encore plus lorsque ceux-ci ont atteint un âge avancé. Il est strictement défendu de désobéir à son père ou à sa mère quand ceux-ci jouissent de leur pleine capacité physique, et cette obligation est encore plus forte lorsqu'ils s'affaiblissent et vieillissent. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit: imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Et si l'un d'eux ou tous les deux atteignaient l'âge de vieillesse auprès de toi, ne leur dis alors point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur plutôt des paroles respectueuses. Cela, car lorsqu'ils ont encore la capacité physique, ils peuvent encore t'éduquer, te gronder, ne se gênant même parfois pas, si nécessaire, de t'expulser de chez eux. Et il se peut même qu'ils te fassent subir des choses que tu n'agrées pas. Et ils se chagrineront et ressentiront assurément de la peine de te voir manquer à tes devoirs envers eux. Néanmoins, ils ne l'accepteront pas de ta part, sachant les droits qu'ils ont sur toi, que tu ne leur donnes pas. Et il n'y a bien évidemment personne qui ne sort son enfant de la demeure familiale, ou qui ne le frappe, ou qui ne l'humilie, ou qui ne fasse des invocations à son encontre tout en étant satisfait de lui. Absolument pas. Personne ne pourrait agir de la sorte envers son enfant. En revanche, il se peut qu'un parent fasse des invocations contre son enfant, chose qu'il ne convient néanmoins pas, ou qu'il le batte, ou qu'il l'expulse de chez lui, ou bien qu'il le rabaisse, ou tout autre acte, après avoir ressenti dans son cœur quelques irritations ou exaspérations causées par ce dernier, dont nul n'en a véritablement connaissance excepté Allah. Que l'individu craigne donc son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dans sa propre personne, concernant les soucis qu'il cause à ses pères et mères. Il est strictement interdit aux musulmans de causer des torts aux musulmans. Que dire donc des torts causés aux parents? Ce qui nuit aux êtres humains, nuit aux anges. Que dire alors quand cela concerne les nuisances que subissent les parents de la part de leurs enfants, auxquels Allah a commandé leur témoigner le plus grand des respects et la plus grande honorabilité? Nous demandons à Allah Azza wa Jalla qu'il nous accorde le succès et la réussite dans ce qu'il aime et agrée.